بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons continuer donc l'explication de l'épître Umdat al-Ahkam. Nous sommes arrivés au cinquième hadith, mais avant cela on avait vu donc lors du cours précédent, la divergence des savants concernant le fait de laver les mains avant de les mettre dans le récipient. On avait vu trois avis. Le premier avis qu'on avait cité, c'est que c'est recommandé. Recommandé de laver les mains avant de les mettre dans le récipient. C'est l'avis de qui ? Chefi, qui d'autre? On avait dit Chefi et Al-Ahnaf. Le deuxième avis, on avait cité donc l'imam Malik qui distinguait, qui disait que c'était obligatoire, donc tout le temps, que ce soit le jour ou la nuit. Et troisième avis, l'avis de l'imam Ahmed qui disait que c'était obligatoire, mais qui distinguait le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est obligatoire lorsque la personne se réveille après avoir dormi la nuit. On va faire une modification. Et donc la majorité des savants de l'imam, du madhhab malikite, ils sont avec les hanafites et les shafiites. Et donc on va prendre le cinquième hadith aujourd'hui, inshallah ta'ala. Donc corrigez barakallahu fikum pour ceux qui ont écrit. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي لفظ ثم يغتسل منه ولمسلمين لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. Et donc selon Abu Huraira رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que aucun d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante qui ne circule pas, puis qu'il va se laver dans celle-ci. Et dans une version de l'imam Muslim, que aucun d'entre vous ne se lave, ne fasse le roussel dans une eau stagnante alors qu'il est en état de Jenaba. En état de Jenaba. Donc tout le monde sait ce que c'est que El Jenaba. D'accord? Et donc, El Hadith fihi masail. Il y a plusieurs points à voir dans ce hadith. أولاً أن الشريعة جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ. Premièrement, c'est que la législation est venue avec nous incitant à la propreté et au fait de nous éloigner et de délaisser toute impureté. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم نظيفاً ذا رائحة طيبة. Et c'est comme cela que le musulman doit être propre, avec une bonne odeur. Wa mimma yadullu ala dhalik anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yuhibbu at-tib kama jaa fi musnad al-imam Ahmad. Et parmi les éléments qui vont prouver cela, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait le parfum, comme cela a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmad. Wa aydan jaa fi al-Bukhari an Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي طيبا لا يرده. Aussi, il a été rapporté dans le recueil de Bukhari, selon Anas, radiallahu anhu, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsque un parfum lui était donné en cadeau, il ne refusait pas. Et ça, c'était connu de lui, qu'il ne refusait pas le parfum. وأخرج مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. Et aussi dans Sahih Muslim, selon Aïcha, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il rentrait chez lui, il commençait par utiliser le siwak. Il commençait à utiliser le siwak, se nettoyer donc la bouche avant même d'aller voir sa famille. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Et donc, le prophète, donc, dans les recueils de Bukhari et de Muslim, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si cela ne rendait pas les choses difficiles à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak pour toute prière. Je leur aurais ordonné le siwak pour chaque prière. Naam. Et donc, les frères, il est important que les musulmans accordent de l'importance à la propreté, à donc avoir une bonne odeur, etc. Et aussi, Al-Bukhari et Muslim ont cité selon Aïcha, radiallahu anha, qui dit, les gens, ils venaient de leur maison. Ils venaient de leur maison, de là où ils étaient. Min al-awali. Et donc, cela pouvait être un peu loin. Et donc, sur le chemin, ils étaient touchés par donc la al-roubar, la poussière et autres qui vont toucher une personne lorsqu'elle est donc sur la route, surtout dans ce genre de contrée où il y a beaucoup de désert et autres. Dans une version, il a été cité al-araq, la sueur. Il faisait chaud, il travaillait, les personnes sont sur la route. Et donc, Aïcha qui nous dit « Fatakhrujou minhum ar-rih » Il y a certaines odeurs. Il dégageait certaines odeurs. « Faja'a aw fa'ata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam insanun minhum wa huwa 'indi » Elle dit « L'un d'entre eux, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était chez moi. » Le prophète, il était chez elle. Et donc, un homme est venu voir une de ces personnes-là est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Law annakum tatahhartum li yawmikum hadha." Si seulement vous vous purifiez, vous vous lavez pour ce jour. Pour ce jour. Fal muslim ma'mourun wa matloubun minhu an yatatahhar li mithli hadhihi al-munasabat. Le musulman, il lui est demandé de se purifier, de se nettoyer pour ce genre d'occasion. Les rassemblements, le vendredi, mais aussi les rassemblements lors de la prière. Et donc, le musulman fait attention à ne pas déranger les autres musulmans par une odeur qu'il peut dégager. Il est important de faire attention à cela. وكذلك أخرج مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Et donc l'imam Muslim, il a cité dans son recueil selon Ibn Mas'ud que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ne rentre pas au paradis toute personne qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil. Le poids d'un atome d'orgueil. Qala rajulun inna ar-rajula ya rasulallah inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Un homme, il a dit: oh messager d'Allah, l'individu, il aime que ses vêtements soient beaux et que ses chaussures, ses sandales soient belles, soient bien, soient correctes. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit: certes Allah est beau et il aime la beauté. Et ensuite le prophète il a expliqué ce que c'est que al-kibr. Il a dit: al-kibr batarul haqq wa ghamt an-nas. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de rabaisser les gens. C'est ça? L'orgueil. وأنبهكم على أن الحديث المشهور بين الناس النظافة من الإيمان. Donc j'attire votre attention concernant le hadith qui est très connu chez les gens. النظافة من الإيمان. La propreté fait partie de la foi. La propreté fait partie de la foi. حديث ضعيف. C'est un hadith qui est faible. لا يجوز الاستدلال به. Il n'est pas permis de l'utiliser comme preuve, de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons, comme vous avez pu le constater, nous avons dans la législation beaucoup de preuves qui montrent que notre religion est une religion qui appelle à la propreté. Et parmi les preuves qui montrent cela, le hadith que nous allons étudier aujourd'hui et demain, inshallah ta'ala. Thaniyan, fihi an ash-shari'a shamilatun li jami'i hayati al-muslim. Il y a dans ce hadith le fait que la législation englobe toute la vie du musulman. Comme nous l'avons vu précédemment avec le hadith de Salman. Donc rappelez-vous les juifs qui ont dit à Salman qad allamakum nabiyyukum kulla shay. Certes, votre prophète, il vous a enseigné toutes choses. Salman, il a dit non. Oui, il nous a tout enseigné. Et ensuite, il a cité donc plusieurs informations concernant le comportement à adopter durant l'accomplissement des besoins. وهذا يا إخوة يبين لنا خطر القائلين بأن الإسلام مع المرء في بيته فقط أو في مسجده الذي يصلي فيه. Et cela, mes frères, nous montre le danger de la parole qui est prononcée par beaucoup. Lorsqu'ils disent que l'islam, l'individu pratique son islam dans sa maison ou dans la mosquée dans laquelle il prie. C'est tout. T'es musulman? Ton islam, tu le vis où? Chez toi, dans ta maison ou dans ta mosquée dans laquelle tu pries. Cette parole, elle est très très très dangereuse. Bel kod semiatu rajulan. Yantasibu ila l'islam. Yakulu inna l'islam indahu kal intikhabat. Narahu kulla khamsati awam. Et pire que cela encore, j'ai entendu un homme ici qui s'affilie à l'islam dire que l'islam pour lui, c'est comme les élections. C'est comme les élections. Tu les vois toutes les 5 années. C'est ça l'islam. A'oudhou billah. Nous devons faire attention à ces paroles graves. Et les personnes qui appellent les musulmans à ce genre de paroles, à ce genre de croyances, en fait, ils les appellent à sortir de l'islam. Tout simplement. Ils les appellent à sortir de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Afatu'minuna bi ba'di al-kitabi wa takfuruna bi ba'd » فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et que vous délaissez l'autre? Quelle est la sentence de celui qui fait cela si ce n'est l'humiliation ici-bas et que dans l'au-delà il sera donné, il sera rendu au plus lourd châtiment? Et donc les frères, nous devons faire attention à ce genre de paroles. Ce hadith ici nous montre clairement que l'islam, ce n'est pas seulement dans la mosquée ou à la maison. Non, partout où tu vas, tu dois faire attention à la religion que tu pratiques. Thalithan. Troisièmement, et on va finir avec ce dernier point, inshallah ta'ala. Naam. استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر. La majorité des savants se sont appuyés sur le hadith d'aujourd'hui pour dire que l'eau qui a déjà été utilisée, l'eau usagée, ou du moins, l'eau qui a déjà été utilisée est une eau qui est pure, mais qui ne purifie pas. Tahirun, ghayru mutahhir. Qui est pur, mais qui ne purifie pas, c'est-à-dire que c'est une eau que si elle est sur toi, elle ne va pas te salir. Elle est pure. Elle ne va pas te salir. Mais par contre, est-ce que tu peux faire tes ablutions avec? Non. Une eau qui a déjà été utilisée, c'est-à-dire, je fais mes ablutions, j'ai un récipient, je fais mes ablutions, l'eau, elle passe sur mes bras, et elle va tomber dans un autre récipient. Quelqu'un vient, il veut prendre ce récipient. Lui est-il permis de faire ses ablutions avec? Certains vont nous dire non. Pourquoi? Ils vont se baser sur ce hadith. Ils vont dire, « Unzuru, النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل في الماء الدائم. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à l'homme de se laver, de faire le rousle dans l'eau stagnante. Pourquoi ? لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي الْمَاءِ سَيَجْعَلُ الْمَاءَ مُسْتَعْمَلًا. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il soit dans l'eau, ça va faire que l'eau, elle a déjà été utilisée. Et donc, la personne qui vient après lui pour se purifier dans l'eau ne peut pas. Pourquoi ? Parce que c'est une eau qui a été utilisée. Elle est pure, tu peux la boire, tu peux la mettre sur toi, tu peux te laver avec si tu veux te rafraîchir. Mais pour faire tes ablutions, non, ça ne purifie pas. Ils se sont appuyés sur ce dalil. D'accord ? Et donc ceux qui ont choisi cet avis, donc on a l'imam Shafi'i, Abu Hanifa et l'imam Ahmed. Les trois qui vont donc qui ont choisi cet avis. وفي الحقيقة هذا ليس بصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم لأنه قد تخرج منه بعض الإفرازات من أجل الجنابة وهذا قد يؤثر في الماء ويلوثه. Et donc cette parole, cette explication du hadith qu'ils ont donné, elle n'est pas correcte. Car le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit à l'homme qui est en état de janaba de pratiquer le rousle dans l'eau qui est stagnante parce que il se peut qu'il y ait certains liquides qui sortent de la personne à cause de son état de janaba justement et que ces liquides viennent impacter l'eau et la salir. C'est pour cela que le prophète, il a interdit à l'homme qui est en état de janaba de se laver dans cette eau. Et donc, l'avis le plus juste, c'est que l'eau qui a déjà été utilisée, c'est une eau qui est pure et purifiante, même si elle a déjà été utilisée par quelqu'un. Et ça, c'est l'avis de... Il reste qui ? Malik. Ça, c'est l'avis donc de l'imam Malik. Rahimahullahu ta'ala, infarada fi hadhihi al-mas'ala. Donc c'est le seul qui a choisi cet avis et c'est lui qui a raison donc concernant cet avis, concernant ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa anzalna min as-sama' ma'an tahura. Nous avons fait descendre du ciel une eau tahura. Ça veut dire quoi tahura? Elle est purificatrice. Elle est pure en elle-même et elle permet de purifier aussi. Et donc cette eau qui descend du ciel, elle est purificatrice. Même si elle passe par les arbres avant d'arriver chez nous ou autre, elle est purificatrice. Elle a déjà été utilisée, elle est purificatrice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay » Le prophète qui nous dit « Certes, l'eau est purificatrice, rien ne la rend impure. » Et donc, l'avis le plus juste, comme je l'ai cité, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, qui est que l'eau, tant que ça reste de l'eau, attention, tant que ça reste de l'eau, et que l'élément qui s'est mélangé à l'eau n'a pas le dessus sur l'eau, alors tu peux te purifier avec, incha'Allahu ta'ala. Quand je dis ça, l'élément qui est mélangé à l'eau n'a pas le dessus sur l'eau. Ça veut dire quoi ? Qui m'explique cela rapidement avant qu'on finisse ? Qui n'a pas changé de ses... Non, parce qu'il se peut que l'eau, elle soit mélangée, par exemple, à un peu de terre. L'eau, elle est mélangée à un peu de terre. La couleur de l'eau, elle va changer. J'arrive. La couleur de l'eau, elle va changer. Elle va devenir un peu marron. Mais c'est toujours de l'eau. Tu te purifies avec ou pas ? Hein ? Si, mais ça veut dire quoi, elle n'a pas le dessus? C'est ça le truc. Ça veut dire quoi, elle n'a pas le dessus? Hein? Non. Non. Tu peux mettre. Donc, tu vas voir un lac. L'eau qui est dans le lac n'a pas la même couleur que l'eau qui est dans ton verre. La couleur, elle a changé. à cause des éléments qu'il y a dans le lac, etc. Mais qu'est-ce qui est pris en compte ? Et Tasmiya, le nom. Les gens, on est tous réunis, on va près d'un lac, on regarde ce qu'il y a dans le lac, ça n'a pas la même couleur que ce qu'il y a dans nos verres et dans nos bouteilles. Mais on appelle ça comment ? On l'appelle de l'eau. C'est de l'eau. Tant que ça s'appelle encore de l'eau, tu peux te purifier avec. Maintenant, tu prends ton thé, avec ton eau toute claire. Tu mets quelques grains de kahwa dedans. Ça change. À tel point qu'on n'appelle plus ça de l'eau. On l'appelle kahwa. Tu ne peux plus faire tes ablutions avec. Le nom, il a changé. Tu ne fais plus tes ablutions avec. D'accord ? La couleur, elle a un peu changé. Ah, c'est devenu marron. Oui, c'est marron. Mais ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de l'eau. Tu peux faire tes ablutions avec. Ça s'appelle plus de l'eau après. C'est ça. Ça s'appelle de la boue. Ça s'appelle de la boue. Est-ce que tu peux faire tes ablutions avec la boue ? Non. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle plus de l'eau. C'est pas de l'eau. C'est de la boue. Et donc, tant que l'élément qui s'est mélangé à l'eau n'a pas le dessus sur l'eau, à tel point que l'eau va perdre son nom, on peut faire nos ablutions avec. Ça, ça concerne un élément pur. Attention, ça concerne seulement un élément pur qui se mélange à l'eau. Maintenant, s'il y a une impureté qui se mélange à l'eau, c'est ce que tu allais dire. Une impureté qui se mélange à l'eau, là maintenant, c'est là qu'on va prendre en compte ce que notre frère il a dit, à partir du moment où tu changes le goût, l'odeur ou la couleur. L'eau, tu ne peux plus l'utiliser. D'accord ? Et donc, une personne qui a uriné dans l'eau, elle a changé de couleur, c'est fini. Ça s'appelle encore de l'eau. Oui, je sais, mais c'est fini. Pourquoi ? Parce que là, c'est une impureté qui s'est mélangée à l'eau. On va arrêter là pour aujourd'hui et on continue demain, inshallah ta'ala. Wa faqallahu al-jami'a wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.